Chapitre 22. La sainte ne parle dans ce chapitre que des vertus du père Jérôme Gratien de la Mère de Dieu, Carme des Chaussées. Durant que j'attendais à Véa, la permission du Conseil des Ordres pour fonder le monastère de Caravac, un religieux Carme des Chaussées, nommé le père Jérôme Gratien de la Mère de Dieu, qui, peu d'années auparavant, avait pris l'habit Alcala, vint m'y voir. C'était un homme d'esprit, savant, modeste, et qui avait toujours été si vertueux, qu'il paraissait que la Sainte Vierge l'avait choisi pour contribuer au rétablissement de l'ancienne règle de son ordre. Lorsqu'il était encore jeune à Alcala, il ne pensait à rien moins, non seulement qu'à embrasser notre règle, mais qu'à se faire religieux. Son père, qui était secrétaire du roi, avait aussi pour lui un dessein bien différent, car il voulait qu'il suivît sa profession. Et lui, au contraire, avait un si violent désir d'étudier en théologie, qu'enfin ses prières et ses larmes lui en obtinrent la permission. Il fut prêt d'entrer dans la compagnie des jésuites, qui lui avaient promis de le recevoir, et lui avaient dit d'attendre quelques jours pour de certaines considérations. J'ai su de lui-même que le vrai traitement qu'on lui faisait lui était pénible, parce qu'il lui semblait que ce n'était pas le chemin du ciel. Il avait toujours pris quelques heures pour faire oraison, et son recueillement et son honnêteté étaient extrêmes. En ce même temps, un de ses amis, nommé le père Jean de Jésus, docteur en théologie, prit l'habit de notre ordre dans le monastère de Pastrane. Je ne sais si ce fut par cette occasion, ou par un livre qu'il avait fait de l'excellence et de l'antiquité de notre ordre, qu'il s'y affectionna, car il prenait tant de plaisir à lire les choses qui le regardaient et à les prouver par de grandes autorités, qu'il dit qu'il avait souvent du scrupule de ce que, ne s'en pouvant tirer, il quittait ses autres études, et il y employait même ses heures de récréation. Ô sagesse et puissance de Dieu que vous êtes admirable, et qu'il est impossible aux hommes de ne pas accomplir ce que vous voulez. Vous saviez, Seigneur, le besoin que ce grand ouvrage que vous aviez commencé dans notre ordre avait besoin de semblables personnes, et je ne saurais assez vous remercier de la grâce que vous nous fîtes en cette rencontre. Car si j'avais eu à choisir entre tous ceux qui étaient les plus capables de servir, dans ces commencements, notre congrégation, je vous aurais, mon Dieu, demandez ce saint religieux, que vous soyez béni à jamais. Lorsque ce père n'avait ainsi aucune pensée d'entrer dans notre ordre, il fut prié d'aller à Pastrane pour traiter de la réception d'une religieuse avec la prieure de celui de nos monastères qui subsistait encore en ce lieu-là. Sur quoi je ne saurais assez admirer les moyens dont il plaît à Dieu de se servir, puisque s'il y fut allé pour prendre lui-même l'habit de notre réforme, tant de personnes auraient travaillé à l'en détourner, qu'il ne l'aurait peut-être jamais fait. Mais la glorieuse Vierge voulut le récompenser de son extrême dévotion pour elle, car je ne puis attribuer qu'à son intercession, qui ne manque jamais à ceux qui ont recours à son assistance, la grâce que Dieu fit à ce bon religieux de l'engager ainsi dans son ordre, afin qu'il pût, par les services qu'il lui rend, lui témoignait l'ardeur de son zèle. Étant encore fort jeune, à Madrid, il allait souvent prier Dieu devant une image de cette bienheureuse Vierge qu'il nommait sa maîtresse, et je ne doute point que ce ne soit elle qui a obtenu pour lui de notre Seigneur cette grande pureté de cœur qu'il a toujours eue. Il m'a dit qu'il lui semblait quelquefois qu'il remarquait dans ses yeux qu'elle avait beaucoup pleuré, à cause de tant d'offenses que l'on commet contre son fils. Il en conçut des sentiments si vifs pour ceux qui regardent la gloire de ce Rédempteur du monde, et de si ardents désirs pour le bien des âmes, qu'il n'y a point de travaux qui ne lui paraissent légers quand il rencontre l'occasion de profiter à quelqu'une, comme je l'ai éprouvé en diverses fois. Ne semble-t-il donc pas, mes filles, que la Sainte Vierge, par une heureuse tromperie, le fit aller à Pastrane pour y prendre lui-même l'habit de notre ordre, lorsqu'il ne pensait qu'à le faire donner à un autre. Ô mon Sauveur, que les secrets de votre conduite sont impénétrables d'avoir ainsi disposé les choses pour récompenser ce fidèle serviteur de ses bonnes œuvres, du bon exemple qu'il avait toujours donné, et de son extrême affection pour votre glorieuse mère. Lorsqu'il fut arrivé à Pastrane, il alla trouver la supérieure pour la prier de recevoir cette fille, sans savoir que notre Seigneur l'y conduisait afin d'obtenir par ses prières une semblable grâce pour lui-même. Comme par une faveur particulière de Dieu, sa conversation est si agréable, que l'on ne saurait le voir sans l'aimer, ainsi qu'il l'est de toutes les personnes qu'il gouverne. Parce qu'encore que sa passion pour l'avancement des âmes ne lui permette pas de dissimuler aucune faute, il les reprend d'une manière si douce, que l'on ne saurait s'en plaindre. Cette prière en fut si touchée, qu'il conçut un très grand désir de le voir entrer dans notre ordre. Elle représenta ensuite aux sœurs que n'y ayant guère, ou peut-être point de si bon sujet, elles devaient toutes se mettre en prière pour demander à Dieu de ne pas le laisser aller qu'il n'eût pris l'habit. Elle, comme cette supérieure est une si grande religieuse, que je crois qu'elle aurait été seule capable d'obtenir cette grâce de Dieu, à combien plus forte raison devait-on l'espérer des prières que tant de bonnes âmes joignirent aux siennes. Toutes lui promirent de s'y employer de tout leur pouvoir, et elles le firent par des jeûnes, des disciplines et des oraisons continuelles. Leurs vœux furent exaucés, car le père Gratien étant allé au monastère des pères Carmes déchaussés, l'extrême régularité qui s'y pratiquait, la ferveur avec laquelle on y servait Dieu, et que cet ordre était consacré à la Sainte Vierge, qu'il désirait si ardemment de servir, lui firent une telle impression, qu'il résolut de ne point retourner au monde. Le démon ne manqua pas de lui représenter l'extrême douleur qu'il causerait à son père et à sa mère, qu'il aimait si tendrement, et qui, dans le grand nombre d'enfants qu'ils avaient, le considéraient comme le seul appui de leur famille. Mais il remit le soin de les assister entre les mains de Dieu, pour l'amour duquel il abandonnait toutes choses et se consacrait à sa sainte mère. Ainsi ses bons pères lui donnèrent l'habit avec une grande joie, et celle de la prière et des religieuses fut telle, qu'ils ne pouvaient se lasser de remercier Dieu d'avoir accordé cette grâce à leur prière. Il passa l'année de son noviciat avec la même humilité que le moindre des novices, et donna, dans une occasion qui s'en offrit, une preuve signalée de sa vertu, car, le prieur étant absent, on mit en sa place un jeune père qui n'était ni savant, ni habile, ni assez expérimenté pour exercer cette charge. Il ordonnait des mortifications si excessives, principalement pour de si bons religieux, que si Dieu ne les eût assistés, il n'aurait pu les pratiquer. On a reconnu depuis que ce père est si mélancolique, que l'on a de la peine à vivre avec lui, lors même que, n'étant point en charge, il n'a qu'à obéir, et a plus forte raison quand il commande, tant cette humeur, qui produit de si dangereux effets, domine en lui. Il est d'ailleurs bon religieux, et Dieu permet quelquefois de semblables choses pour perfectionner l'obéissance de ceux qu'il aime, ainsi qu'il arriva en cette rencontre. Ça a été sans doute par le mérite d'une si parfaite obéissance du père Jérôme Gratien de la Mère de Dieu, que notre Seigneur a voulu lui apprendre à conduire ceux qui lui sont soumis, après l'avoir pratiqué lui-même, et afin qu'il ne lui manquât rien de ce qui était nécessaire, pour bien gouverner, il soutint de très grandes tentations 3 mois avant que de faire profession. Mais comme il devait être un généreux chef de tant de généreux combattants engagés dans le service de la Reine des Anges, il résista avec tant de courage à 16 assauts, que plus cet esprit infernal le pressait de quitter l'habit, plus il se fortifiait dans la résolution de le porter toute sa vie. Il m'a donné un écrit qu'il fit dans le plus fort de ses tentations, et je l'ai lu avec grande dévotion, parce que l'on y voit clairement de quelle sorte Dieu le soutenait. On trouverait peut-être étrange que ce saint religieux m'ait communiqué tant de particularités des choses les plus intérieures qui le concernent, mais je veux croire que Dieu l'a permis, afin que je les rapportasse ici pour obliger ceux qui les liront d'admirer les faveurs qu'il fait à ses créatures, puisqu'il sait que ce bon père n'en a jamais tant dit à nul autre, ni même à ses confesseurs. Il s'y portait quelquefois à cause que mon âge et ce qu'on lui avait dit de moi lui faisaient croire que j'avais quelque expérience de ces choses, et d'autres fois, parce que la suite du discours l'engageait à me les confier, aussi bien que d'autres que je ne pourrais écrire sans trop m'étendre, outre que je me retiens, de peur de lui donner de la peine si ce papier tombait un jour entre ses mains. Mais quand cela arriverait, comme ce ne pourrait être que de longtemps, j'ai cru devoir rendre ce témoignage à l'obligation que lui a notre ordre dans ce renouvellement de notre ancienne règle. Car, encore qu'il n'ait pas été le premier à y travailler, il y a eu des temps où j'aurais eu regret de ce que l'on avait commencé, si je n'eusse mis mon espérance en la miséricorde de Dieu, en quoi je n'entends parler que des maisons des religieux, celle des religieux ayant, par son infinie bonté, toujours bien été jusqu'ici. Ce n'est pas que celle des religieux allasse mal, mais il y avait sujet de craindre qu'elle ne déchusse bientôt, parce que n'ayant point de provincial particulier, ils étaient soumis au père de l'observance mitigée, qui ne donnait point de pouvoir sur eux au père Antoine de Jésus, qui avait commencé la réforme, et aurait pu les conduire, joint à cela que notre révérendissime Père Général ne leur avait point donné de constitution. Ainsi chaque maison se gouvernait comme elle pouvait, et dans ses différentes conduites l'on souffrit beaucoup, jusqu'à ce que le pouvoir passât entre les mains de ceux de la réforme. J'en étais souvent fort affligé, mais Dieu y remédia par le moyen du Père Gratien, de qui je parle, quand il fut établi commissaire apostolique avec une entière autorité sur les carmes déchaussés et sur les carmélites. Il fit alors des constitutions pour ses religieux, et notre révérendissime Père Général nous en avait déjà donné. Dès la première fois qu'il visita ses pères, il établit une si grande union entre eux, qu'il parut que Dieu l'assistait, et que la Sainte Vierge l'avait choisi pour le rétablissement de son ordre. Je la prie de tout mon cœur d'obtenir de son divin Fils de continuer à le favoriser de ses grâces, et le faire de plus en plus avancer dans son service. Ainsi soit-il. Markemdanarchive.org, d'après, abbaye-saint-benoît.ch, Thérèse d'Avila Fondation PDF, licence Creative Commons CC 3.0 F, pas d'usage commercial partage à l'identique.